الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous serons demain, inshallah ta'ala, le 10e jour du mois de Dhul-Hijjah, qui est le jour le plus méritoire et le meilleur jour de l'année. Et en ce jour sont légiférées différentes adorations, et parmi elles, la prière de l'Aïd et le sacrifice. Concernant le sacrifice, nous avons diffusé l'extrait d'une ancienne conférence avec l'explication des règles essentielles liées à ce sujet que je vous invite fortement à écouter. Et j'ai tenu dans cette courte assise de me rappeler ainsi que mes frères et sœurs quelques points parmi les actes recommandés en ce jour de fête. Premièrement, parmi les choses recommandées, qu'ont mentionné les gens de science, il y a que cette prière ait lieu en plein air, afin que les musulmans puissent se réunir et se rencontrer, et ainsi manifester ouvertement cette prière qui fait partie des rites de notre religion. Et si cela n'est pas possible, comme cela a lieu dans beaucoup de pays, les musulmans se réuniront alors à la mosquée pour accomplir cette prière, et il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Deuxièmement, il faut savoir qu'il est recommandé, en ce qui concerne la prière de la fête du sacrifice, de la faire dès l'entrée de son temps, c'est-à-dire un peu après Ash-Shuruq, et ce afin que les gens puissent aller rapidement s'occuper de leurs bêtes à sacrifier. Contrairement à la prière de la fête de la rupture, qu'il est recommandé de retarder afin que les gens puissent avoir le temps de sortir Zakat al-Fitr. Ceci est une des différences qu'il y a entre ces deux prières, entre la prière de Eid al-Adha et la prière de Eid al-Fitr. Troisièmement, parmi les choses recommandées lors de cette prière, ou plutôt pour cette prière, il y a les grandes ablutions, le fait d'effectuer le grand lavage pour celui qui en a le temps et la possibilité. Et pour les hommes, il est légiféré qu'ils sortent pour cette prière parfumés et en ayant mis de beaux vêtements, comme cela est rapporté de certains compagnons radiyallahu anhum, à l'exemple de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Ceci fait donc partie des choses qui sont recommandées, mais qui ne sont pas obligatoires. Ce n'est pas une obligation de faire ton rousl pour aller à la prière de l'Aïd. Si tu peux le faire, c'est une bonne chose et tu suis en cela l'agissement de certains compagnons radiyallahu anhum, et si tu ne le fais pas, il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala. Et on a dit qu'il est légiféré pour l'homme de se parfumer et de mettre de beaux vêtements. C'est-à-dire qu'il est légiféré pour eux de s'embellir. Et en quoi se trouve l'embellissement de l'homme? Comment est-il légiféré pour l'homme de s'embellir? Est-ce en portant les derniers vêtements à la mode dans les terres de polythéisme et de mécréance? Est-ce en s'habillant comme les célébrités parmi les pervers, les joueurs de foot ou autres, et en faisant les mêmes coupes de cheveux qu'eux? Est-ce ainsi que l'homme musulman va s'embellir? La réponse est non. Mais il va s'embellir en veillant à appliquer sur lui-même ce qui est légiféré. Les beaux vêtements, ce ne sont pas les vêtements qui sont à la mode chez les mécréants. Mais le plus beau vêtement en islam, pour l'homme, c'est le qamis. C'était le vêtement préféré du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière, il fait partie de l'embellissement pour l'homme de laisser pousser sa barbe librement. Et il ne lui est pas permis de la raser ou de la tailler. Malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui pensent que ceci est une forme d'embellissement, wal'iyadu billah. Et ils transgressent l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a ordonné aux hommes de laisser pousser leur barbe librement. Ils pensent s'embellir alors qu'en réalité, ils s'enlaidissent. Car la vraie beauté, elle se trouve dans le suivi de la sunna de ton messager, sallallahu alayhi wa sallam. N'attestes-tu pas qu'il est le messager d'Allah? Qu'il a été envoyé comme guide pour l'humanité? Si tel est le cas, comment pourrais-tu penser que la beauté se trouve dans l'opposition à ce qu'il a légiféré? Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans son noble livre « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ » Vous avez vraiment dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question et revoir qui sont ses modèles, qui sont ses exemples, sur quelles normes il se base pour évaluer ce qui est beau ou ce qui est laid. Et tu dois savoir que tu ne trouveras pas la beauté, que tu ne t'embelliras pas en transgressant aux ordres de ton messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est valable pour les hommes en ce qui concerne la barbe, en ce qui concerne les coupes de cheveux, en ce qui concerne les vêtements, mais c'est aussi valable pour les femmes. Elles doivent savoir que la beauté ne se trouve pas dans l'assimilation aux femmes perverses et mécréantes, et en suivant les dernières modes et ainsi de suite. Mais la beauté, elle se trouve dans la piété. La beauté, elle se trouve dans la pudeur. Et ainsi de suite. Donc on a dit qu'il est légiféré pour l'homme de s'embellir et de se parfumer pour se rendre à cette prière. Et pour la femme, bien sûr, elle sortira à la prière de l'Aïd sans s'embellir, ni se parfumer, ni s'exhiber. Car il lui a ordonné de se couvrir et de se voiler, et il lui a interdit de s'exhiber, ni de s'embellir, ni de se parfumer, et ce lorsqu'elle sort de manière générale. Alors que dire lorsqu'elle sort pour la prière? Il est surprenant aujourd'hui de voir certaines femmes sortir pour se rendre à la prière en s'opposant aux règles islamiques liées à la pudeur. Nombreux sont ceux à se plaindre de certaines femmes qui sortent à cette prière en s'exhibant, omettant que cette sortie doit être faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. La femme à la base, sa prière, elle est meilleure chez elle. Mais pour cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes qu'elles sortent pour l'accomplir avec les hommes à la mosquée, ou plutôt au musalla à la base, afin qu'elles assistent au bien et au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour qu'elles viennent alourdir sur son dos le fardeau de ses péchés, en s'exhibant, en se parfumant et en portant des vêtements qui ne sont pas légiférés. Donc chacun d'entre nous doit revoir ses intentions dans ses agissements et se poser la question de savoir pourquoi il agit. Et celui qui cherche réellement à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il veillera à ce que ses œuvres soient sincères pour son Seigneur et à se conformer à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Quatrièmement, parmi les choses recommandées le jour de l'Aïd, il y a, en ce qui concerne la prière de Aïd al-Fitr, après le mois de Ramadan, de manger avant de sortir à la prière. Et le mieux est de manger quelques dates en nombre impair. Donc ceci concerne Aïd al-Fitr, après le mois de Ramadan. Et la sagesse en cela est de distinguer ce jour des jours de jeûne qui l'ont précédé. Et pour la fête du sacrifice, c'est l'inverse qui est légiféré. Et il est recommandé de ne manger qu'après la prière. Comme cela est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sortait pas le jour de la fête de la rupture, Aïd al-Fitr, avant d'avoir mangé quelques dates qu'il mangeait en nombre impair. Et il ne mangeait pas le jour de la fête du sacrifice avant d'avoir prié. Donc ceci fait partie des choses qui sont recommandées, de rester à jeun jusqu'à la prière et de manger seulement après avoir prié. Cinquièmement, parmi les choses recommandées, il y a de se rendre à pied au musalla ou à la mosquée. En effet, il est rapporté de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qu'il a dit: il fait partie de la sunnah de sortir à la prière de l'Aïd en marchant. Et l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet: la majorité des gens de science ont recommandé que l'homme se rende à la prière de l'Aïd en marchant et qu'il ne monte sur aucune monture sauf s'il a une excuse. Donc il ne prend aucun moyen de locomotion, ni voiture, ni vélo, ni moto ou autre, pour se rendre à cette prière s'il en a les capacités. Car ceci est une chose recommandée, de te rendre à pied à cette prière. Si le musalla ou la mosquée est proche de ton lieu de résidence, s'il n'y a pas de gêne en cela ni de difficulté pour toi, mais tu ne dois pas t'imposer une chose au-dessus de tes capacités. Si la mosquée ou le lieu de prière est loin, que tu risques de manquer la prière en voulant mettre en pratique cette sunna. Et cela arrive à certaines personnes parfois. Il dit la sunna c'est de s'y rendre à pied, donc il veut s'y rendre à pied, au final, il est en retard et il loupe la prière. Donc dans cette situation, il sera préférable pour toi d'emprunter un moyen de transport. Également, s'il y a une difficulté, si tu es malade ou si tu as avec toi des personnes faibles, des femmes, des personnes âgées, dans cette situation, il se peut qu'il soit préférable pour toi d'emprunter un moyen de transport, la voiture ou autre, afin de ne pas t'imposer de difficultés et de ne pas imposer une difficulté à ceux que tu emmènes à cette prière et afin de ne pas être en retard à cette prière Inch'Allah ta'ala. Une fois arrivé sur le lieu de prière, il n'est pas légiféré de prier, que ce soit avant ou après la prière de l'Aïd, car il n'y a pas de prière surérogatoire liée à la prière de l'Aïd. Mais si cette prière est accomplie à la mosquée, qu'est-ce qu'on va faire en rentrant à la mosquée? On va accomplir les deux unités de Tahiyyat al-Masjid, la prière de salutation de la mosquée. Celle-ci reste légiférée même le jour de l'Aïd. Et ce qui est visé par les paroles des gens de science qui disent qu'il n'y a pas de prière avant ou après la prière de l'Aïd, c'est-à-dire de prière surérogatoire liée à celle-ci. Mais cela ne signifie pas que si tu rentres à la mosquée, tu ne vas pas faire de prière. Non, tu es dans la mosquée, tu accomplis Tahiyyat al-Masjid. Comme les autres fois ou les autres jours où tu rentres à la mosquée. Sixièmement, il est recommandé, en te rendant à la prière de l'Aïd, de multiplier le takbir, de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Tu fais le takbir et il est recommandé de le faire à voix haute, et sans ce qui concerne les hommes. Quant aux femmes, elles le font à voix basse. Et une fois arrivé sur le musalla, ou une fois arrivé à la mosquée, tu continues de faire le takbir à voix haute, jusqu'à la venue de l'imam. Une fois que tu vois l'imam arriver, tu cesses ce takbir. L'imam arrive, il commence la prière, et on se lève pour prier derrière lui. Mais tant qu'il n'est pas arrivé, tant que tu attends son arrivée, il est légiféré pour toi d'occuper ton temps par ce takbir en le faisant à voix haute. Et lorsque l'on dit que l'on le fait à voix haute, cela ne signifie pas que l'on va le faire en groupe d'une seule voix. Non, ceci n'est pas demandé et n'est pas légiféré. Mais chacun le fait de façon individuelle en élevant la voix, sans chercher à le faire tous d'une seule voix. Mais ce qui est légiféré, c'est de prononcer ce takbir de manière individuelle, en élevant la voix jusqu'à la venue de l'imam. Septièmement, parmi les choses recommandées, il y a le fait de prendre, au retour, un chemin différent de celui de l'aller, comme le faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu mets donc en pratique la sunna de ton messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cela, il y a plusieurs sagesses, comme l'ont mentionné les gens de science. Ceci permet premièrement que ce rite soit manifesté ouvertement, car les prieurs vont passer en différents endroits. Et cela permet aussi de rencontrer différentes personnes parmi les musulmans, de les saluer, de les féliciter en ce jour de fête et ainsi de suite. Et les gens de science ont mentionné aussi parmi les sagesses de cela que les deux routes que tu as empruntées vont témoigner en ta faveur au jour de la résurrection. Tu augmentes donc le nombre de témoins en ta faveur en empruntant un chemin différent au retour qu'à l'aller. Huitièmement, parmi les choses recommandées le jour de l'Aïd, il y a le fait de manifester notre joie. N'oubliez pas, barakallahu fikum, que le jour de l'Aïd est un jour de fête. Nous avons deux jours de fête dans l'année, Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha. Ne gâchez pas ce jour par des conflits. Ne gâchez pas ce jour par des mauvais comportements, des mauvaises paroles ou autres qui pourraient attiser la discorde. Ne vous laissez pas abattre en ce jour par la tristesse, les soucis ou les chagrins. Ce jour, ce n'est pas un jour de deuil, mais c'est un jour de fête. Un jour de fête durant lequel il est légiféré de manifester sa joie, de la montrer ouvertement, de réjouir ses proches, d'entretenir les liens de parenté, de rendre sa famille heureuse. Ceci fait partie des rites de notre religion. Ne négligez pas cela, barakallahu fikum. Même celui qui est seul, il doit avoir conscience et se réjouir que ce jour est un jour immense. Et il profite de ce jour pour entretenir ses liens de parenté, réjouir les gens avec qui il a des liens et des affinités, et ainsi de suite. Et en ce qui concerne la fête du sacrifice, Eid al-Adha, il est à savoir qu'il est légiféré de faire preuve de largesse à sa propre personne, aux gens de sa famille, à ses proches, à ses enfants, durant 4 jours. Le jour de l'Aïd et les jours de Tashriq, qui sont les 3 jours suivants, le 11, le 12 et le 13 de Dhul Hijjah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ces 3 jours, les 3 jours qui suivent l'Aïd, que ce sont des jours de nourriture, de boisson et de rappel d'Allah. De nourriture et de boisson, c'est-à-dire qu'on va faire preuve de largesse en ces jours. Tu vas faire plaisir à ta personne, à tes proches, à ceux qui sont à ta charge, durant ces jours, en faisant preuve de largesse à ce sujet. Plus que tu ne le fais, durant les autres jours de l'année. Et également, ce sont des jours de rappel d'Allah car, comme on a dit, le takbir continue en ces jours. Il y a le takbir al-muqayyad qui est fait après les prières obligatoires et le takbir al-mutlaq qui est fait de manière libre, en tout temps et en tout lieu. C'est pour cela que ce sont des jours de rappel d'Allah également. Et étant donné que l'on a dit qu'il est légiféré recommandé de manifester sa joie en ce jour, il est nécessaire de souligner que manifester sa joie ne doit se faire que de façon permise et légiférée dans notre religion. Ce n'est pas parce que le jour de Eid est un jour de célébration et de fête que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit devient licite. Les péchés, ils sont illicites toute l'année. Et ils sont d'autant plus graves en ce jour qui est un jour durant lequel tu es censé manifester ta reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et commettre des péchés en ce jour s'oppose à cette reconnaissance. Donc prends garde à ne pas faire de ce jour un jour de désobéissance à Allah, comme ceux qui le font et manifestent leur joie en écoutant de la musique par exemple. Cette musique qui les détourne du rappel d'Allah, qui fait pousser l'hypocrisie dans les cœurs, wal'iyadu billah. Également, certains vont manifester leur joie en ce jour ou célébrer le Eid en se rendant dans des endroits de perversité, des endroits où les péchés sont commis ouvertement. Et ceci s'oppose également à la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, barakallahu fikum, la joie, elle se manifeste en ce jour de manière légiférée. Réjouis tes proches, visite tes parents, visite tes frères et sœurs. Fais entrer la joie dans leur cœur. Offre-leur des cadeaux, offre-leur des gâteaux, également à tes voisins, aux gens de ton entourage. Prononce-leur des paroles agréables, et ainsi de suite. Et parmi les paroles agréables à prononcer, il y a cette neuvième chose que nous allions mentionner qui est la permission de s'adresser des félicitations en ce jour. Comme en se disant « Aïdoukoum Mubarak, Aïdoukoum Saïd, Taqabbal Allahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous nos actions. Ghafar Allahu lana wa lakum, qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à vous. » Et ainsi de suite parmi les paroles que les musulmans se sont habitués à dire en ce jour de fête. Il n'y a pas de formule spécifique qui est légiférée en dehors d'une autre. Mais tout ce que les gens se sont habitués à dire, tant que ces paroles ne comportent pas de péché ou d'opposition à la législation, alors il n'y a pas de mal à les prononcer. Également, il n'y a pas de mal à se serrer la main et à se faire l'accolade pour se féliciter en ce jour de Eid. Ce n'est pas une chose qui est liée à l'adoration, mais c'est une chose qui fait partie des actes ordinaires auxquels les gens se sont habitués. Dans certains pays, on se serre la main, dans d'autres, il se peut qu'on se fasse l'accolade, et il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala. Car ceci fait partie des bonnes habitudes des gens, des choses par lesquelles ils manifestent leur amour mutuel entre eux, par lesquelles ils manifestent leur fraternité et leur proximité, et il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Ceci était donc un court rappel concernant ces choses qui sont légiférées en ce jour de l'Aïd. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ce jour un jour de joie et de bonheur pour l'ensemble de la communauté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous nos efforts et l'ensemble de nos actions et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.